là-bas, c'est dur à remonter. Regarde mes yeux, ils veulent raconter. Si tu savais ce que je leur ai montré. La vie est courte, mais moi j'en profite. Tous les jours avec mes potes, je me tue au shit. Au shit, j'ai peur de changer. Un vrai frère, je suis prêt à le manger. On te donne l'occasion de te ranger. Alors s'il te plaît, évite le danger. La vie est courte, pour l'instant je rêve encore. Faut que je trace ma route, il serait temps de changer de déco. La la la la la, la la la la la. La la la la la, la la la la la. Ancien personne te calcule, quand tu pleures, t'as tout le monde au cul. On m'a dit fais gaffe à ta vie, depuis j'évite les faux culs. Les potes en prison sont en train de serrer. Ils m'ont dit elle est sans pédagogie. Moi leur plan je sais pas ce que je ferai. J'oublie les soucis quand je suis gazé.